notre petit prince, cela faisait longtemps qu'on l'attendait. Et puis un beau matin, le rêve était réalité. Notre petit prince m'a rendu complètement hystérique, tant la bonne nouvelle était fantastique. Et devant l'écran noir et blanc, on voit ton cœur battre. Des larmes de joie ont coulé, on s'aimait. Et toi bien au chaud blotti dans le ventre de maman, tu grandis tranquillement, futur champion. Notre petit prince au mois de mai est arrivé. Impossible d'expliquer le bonheur que ça nous a fait. Notre petit prince est là devant moi, et je me suis émerveillé quand il m'a regardé. Mais tu étais un peu trop pressé, la vie t'impatientait, et ces dames vêtues de rose qui t'accompagnaient, grâce à elles tu as pu t'épanouir doucement. On n'oubliera jamais comment elles nous ont aidés. Notre petit prince est maintenant avec nous, et ensemble je vous garantis qu'on fait les fous. Notre petit prince découvre doucement la vie, il explore tout et jamais ne s'ennuie. Et le soir tu t'endors tranquillement dans l'océan des rêves, un bleu éclatant. Et nous on te regarde, bébé apaisé, le cœur rempli et les yeux émerveillés. Notre petit prince, un jour tu deviendras grand, et tu seras la fierté de nous tes parents. Notre petit prince, un jour devra partir pour mener une belle vie et s'épanouir. Mais jamais on ne se quittera, vraiment. On sera toujours là pour toi, mon enfant. Le temps va passer et tu vas aimer. Et un jour toi aussi tu auras un bébé. Notre petit prince, cela faisait longtemps qu'on l'attendait. Et puis un beau matin, le rêve était réalité. Notre petit prince m'a rendu complètement hystérique, tant la bonne nouvelle était fantastique. Et devant l'écran noir et blanc, on voit ton cœur battre. Des larmes de joie ont coulé, on s'aimait. Et toi bien au chaud blotti dans le ventre de maman, tu grandis tranquillement, futur champion. Notre petit prince au mois de mai est arrivé.